Un démocrate, Mick Jagger, 1960-1969, de François Bégodeau. Version radiophonique, Cécile Baquès. Design sonore, Yves Dormois, Albert Echery. François Bégodeau. Je suis né en 1971. Information captivante que mes biographes ne manqueront pas de gloser quand je me serai retiré de ce monde laissant mes livres entre les mains de l'éternité. Information capitale, puisqu'il en résulte que j'ai eu 9 ans en 1980 et 19 ans en 1990. C'est-à-dire que les années 80 circonscrivent mon adolescence. Elles sont ma décennie de formation. Elles ont transformé un petit garçon énervé en grand garçon énervé. Elles sont mes années de jeunesse, de santé, le grenier tout désigné où est penchée ma nostalgie. Et je les déteste. D'elle, il n'y a rien à tirer. Même pas U2, que j'écoutais les yeux mouillés, mais avec de sérieux doutes quant à la consistance du message délivré devant des foules en butte au cynisme de l'époque. La vraie subversion, j'allais la chercher ailleurs, avant. J'allais la chercher dans les années 60. Décennie authentiquement révolutionnaire, elle, et qui l'avait prouvé. Le cinéma, la musique, la jeunesse, toutes les forces vives des années 60 se donnaient pour horizon le grand soir et surtout l'accomplissaient au jour le jour, filant une sorte de révolution permanente où chaque initiative déplaçait les lignes de la précédente. C'est d'abord cela que j'ai voulu raconter dans mon livre sur les Stones des années 60. Raconter comment le transformiste Jagger était l'enfant d'une décennie elle-même transformiste. Sans doute tombais-je alors dans la fatale illusion rétrospective. Je me plaisais à ne pas voir que 68 n'avait été que la queue d'une sirène immergée dans l'océan d'ennui des années de Gaulle. Mais une chose prouve que je ne m'illusionne pas complètement. Une chose porte la trace de l'événement que je fantasme, attestant sa réalité. Cette chose, c'est les disques. L'époque qui a produit cette électricité, ce rythme, cette pulsation éminemment sexuelle, n'a pas pu ne pas être puissante, rapide, érotique. La décennie qui a fait passer les Beatles de She Loves You Yeah Yeah Yeah à Back in the USSR et les Stones de Come On Astray Cat Blues n'a pu être qu'un bulldozer, une machine à démultiplier les corps, les énergies, les possibles. On vous a dit que Mick Jagger a commencé petit, qu'il est né Michael Philip le 26 juillet 1943 à Dartford dans le Kent, sous le signe du lion ascendant vierge et poussé hors d'elle par une mère prénommée Eva. Qu'à 9 ans, il est apparu dans l'émission de télé présentée par son père. Qu'un jour, à l'école, il s'est mordu la langue et n'a pu parler pendant 4 jours, d'où plus tard sa voix, qu'il aimait les glaces à la fraise, que tout petit déjà, qu'il dormait la nuit et vivait le jour, qu'il plaisait aux filles, ne leur plaisait pas, leur plaisait un peu, que tout petit déjà, qu'il a eu une enfance heureuse, malheureuse, sans histoire, qu'elle s'était battue dans la pesanteur de l'après-guerre ou embourbée dans la vase de la guerre froide. On vous a menti. On vous a aussi dit que Mick Jagger est toujours chanteur des Rolling Stones, qu'il donne des concerts dans les plus grands stades des 5 continents, que lui et ses acolytes se produisent devant des foules émerveillées par leur longévité et leur forme intacte, qu'ils sortent encore des albums, qu'ils n'ont jamais cessé d'en faire et pas que des mauvais, que Keith Richards et Mick Jagger se sont brouillés, conciliés, rebrouillés, réconciliés et qu'un bon morceau de putain de rock'n'roll toujours rallume l'étincelle, que 40 années de scène n'ont pas altéré leur passion, que Mick Jagger est toujours vivant. Mensonge encore. La vérité, c'est que Mick Jagger est né en 1960 et mort en 1969. Né au printemps 60 et mort le 6 décembre 69. C'est précis, c'est daté, c'est du document, ça se vérifie dans mes registres. Vous ne le saviez pas ? Moi, je le sais. Sur Mick Jagger, je sais tout. Rien lu, rien étudié, compulsé nulle archive, dépoussiéré nul cadastre, déterré nulle relique, je sais tout. Et d'abord ceci, qu'il est né en 1960 et mort en 1969. Et je dirais comment. Comment il vécut, comment il est mort. Mick n'a jamais été enfant. Mick n'a pas fait ses dents, ni joué aux billes, ni fumé planqué derrière un abribus, n'a pas ramassé de coton, ni fait d'équitation, les ongles ni encrassés par le charbon, ni polis par une lime sertie de diamants. Dans la bouche cuillère, ni en argent, ni en plastique, Mick vient de nulle part. Il est né tout neuf au printemps de l'année 1960, frais comme un amnésique, né à 17 ans, c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent, il y a des phénomènes troublants. Mick est né à 17 ans, à Dartford, en effet, banlieue sud-est de Londres. Là-dessus, on ne vous a pas menti, mais direct à 17 ans, ça, on ne vous l'a pas dit. C'est moi qui vous le dis. Né à 17 ans, mort à 26. De mort naturelle, si, si. Il y a eu, c'est bien vrai, quelque chose de l'ordre d'un incident, d'un accident, d'un fait divers, d'un drame. Mais ce 6 décembre 1969 n'a été qu'un dénouement logique et son meurtrier, l'exécuteur docile de cette loi selon laquelle un chanteur de rock ne dure pas plus de 7 ans, 8 ans maxi. Ce n'est pas la mythologie romantique ou mystique jeuniste. Je parle de l'artiste le plus matérialiste du siècle. Juste une équation chimique. À leur aube, les punks ont très justement dit « pas de Rolling Stones en 1977 ». Énoncé constatif et non prescriptif, comme on a pu croire. Ils observaient que ce qui avait été le plus grand groupe du monde n'existait plus. C'est tout. Mick était mort 8 ans auparavant, un soir de décembre, en Californie. Les punks ne faisaient qu'attester la nouvelle et prévenir. N'achetez pas leur dernier disque. Il n'est pas d'eux. N'allez pas les voir sur scène. Ce ne sont pas eux. C'est mort. Mick est né dans le non-lieu d'une gare et de personne. Ou plutôt, il est né de la naissance d'un autre au même moment et au même endroit, lequel en retour l'a fait naître et inversement. Sur le quai, d'une seconde à l'autre, il y a eu 2 êtres en plus. 17 ans tous les deux. Pas un cri, pas un pleur, pas de cordon à couper, que du bonus. Tout habillé déjà, pantalon serré, couleur sobre pour l'instant, doux commencement, pas de clairon, les 2 oiseaux éclos de nul œuf se sont posés sans bruit sur le quai. Et alors, l'un a nommé l'autre et inversement. L'un a dit Keith et l'autre s'appellerait Keith. L'autre a dit « Mick » et l'un s'appellerait « Mick ». Mick Jagger. Keith Richard. Géniteurs l'un l'autre, pères croisés, créateurs et créatures mutuelles. Plus tard, Keith dirait « Des frères nés par accident de parents différents. » Comme quoi, on n'est conscient qu'à moitié du miracle qu'on est, parce que 2 parents dans cette histoire, même différents, il n'est pas question. Pas de père. Mais des tiers, tout de même. Les 2, ça ne marche qu'avec 1/3, histoire de ne pas céder à la nénuitude de la symbiose. Il faut 1/3 pour que la machine dialectique se mette en marche. 1 qui descende pour aller tourner la manivelle de la voiture avec quoi les 2 nés en gare vont fendre la décennie. Et être fondu par elle. Ce jour-là, il n'y avait pas que Mick et Keith en gare de Dartford, banlieue sud-est de Londres. Il y avait aussi Chuck, Berry, Muddy Waters, Little Richard. Pas en personne, mais c'était tout comme. C'était en disque, des vinyles. Des 78 tours, c'est ce qui se faisait à l'époque. Si Mick n'avait pas eu ça sous le bras, Keith n'aurait pas su quoi lui dire après qu'il l'eût prénommé et il se serait regardé sur le quai pendant des heures et serait mort de ce silence. Rien ne se serait enclenché. Au lieu de quoi, ils se sont parlé et c'est ainsi qu'on est amis. Keith a dit « C'est à toi ces trucs ?» Mick a dit « Je ne sais pas, c'est sous mon bras en tout cas. » Keith a dit « Trouvons un pick-up pour les écouter. » Mick a dit « Oui, faisons cela. » Ils ont trouvé un pick-up, ils ont écouté. Ils se sont dit, on va faire pareil. Reproduire le blues et y mettre du rythme. Tu feras la guitare, je chanterai. Je ferai la guitare, tu chanteras. À nous deux, on pourra tout. On pourra tout. Take me to the airport. Put me on a plane. La gare où naissent Keith et Meg est plus qu'un cadre, plus qu'un simple fond de tableau, sans quoi on la laisse supposer déserte, gare désœuvrée, comme les chérissent les photographes morbides et les pochettes de disques d'après le virage mélancolique du rock. Ranimons le cliché ! On verra que ce jour-là, printemps 60, la gare de Dartford était peuplée, bondée, bruissait de mille pas, de mille couleurs, de mille pantalons et autant de jupes, de mille chiens en laisse et autant d'errants. Et alors, comme accouchés par eux, Meg et Keith, dépôt de la multitude, précipité de foule. C'est très exactement comme ça que ça s'est passé, j'y étais. Une foule qui, par sa seule présence, par sa seule existence de foule, accouche de deux corps surnuméraires. Et inversement, Meg et Keith d'abord, Little Richard et Chuck Berry et Muddy Waters sous le bras. Et ils se parlent. Et ils se disent, trouvons un coin pour écouter tout ça, pour le rejouer. Tu seras la guitare, moi le chant. Alors, par le seul fait de ce décret, la gare s'emplit d'encore plus de peuple au bruit de pantalons et de chiens. Ça marche dans les deux sens. Et inversement. La voilà, la vraie dialectique. Moins entre Meg et Keith qu'entre eux deux et la foule. Entre Meg et la foule surtout, car Keith est plus profond, plus intérieur, plus tripé, toujours un peu en retrait sur scène à heurter les cordes de la seule main droite. L'exposé absolu, c'est Meg, à l'extrême bord de la scène, haranguant l'affluence du bras libre de micro, n'ayant Dieu que pour elle, qui n'a Dieu que pour lui. Ils se regardent, se parlent, c'est entre eux que ça se passe, entre eux que passe le courant, et le son est le corps conducteur de ce va-et-vient. La foule a fait Meg, et Meg a fait la foule. Pendant 10 ans, Meg a inventé la foule qui a inventé Meg. C'est allé crescendo, la musique s'est emballée linéairement, la vague nouvelle a monté, monté, écume aux lèvres, monté, monté la vague nouvelle. Et un jour, la mer s'est séparée en deux, Meg et la foule sont partis chacun de son côté, ont rallié des îlots différents et Meg en est mort. Et la foule, livrée à elle-même, s'est dispersée. Je dirais pourquoi, je dirais comment. 60-69, ce sont les dates de Meg gravées sur sa tombe sans épitaphe, pile synchrone avec la décennie. On aurait voulu le faire exprès, ça ne serait pas autrement. Année 60, on ne dira jamais assez combien. Combien s'y joua une partition unique. Le commerce entre Meg et la foule a produit l'époque et l'époque y prédisposait, profuse encore de 20 ans, ouverte à toutes les suggestions, jambes écartées et toutes couilles dehors. Le désir était dans l'air, c'est-à-dire le contraire de la peur. Le désir, c'est d'avoir une grosse faim d'altérité. Ça circule, ça se parle, ça s'écoute, ça se caresse, ça se frotte, ça se heurte, ça se tamponne, ça se rentre dedans. Les années 60, c'est un chef-d'œuvre collectif. Une grande arabesque de groupe où le meilleur comme le pire engage la planète. C'est tout le monde qui fit Mick beau comme un dieu. C'est tout le monde qui, dans le soir californien, brandit une arme vers lui. I shoot it out, who kills Kennedy? A world that after all it was you and me. Sans la foule, qui le désira toujours davantage, Mick n'aurait pas fait grand-chose de son corps, né de plein pied dans ses 17 ans pas sérieux. Ne se sentait pas de vocation. Mick aime danser, se verrait bien monter sur scène, mais ni foi ni hargne particulière. Pas vraiment musicien non plus. N'oublions jamais un truc. Les deux plus grands groupes de musique populaire de tous les temps ne comptent au départ aucun musicien génial dans leur rang. En tout cas, pas parmi les compositeurs. Parmi Beatles et Stones, les meilleurs instrumentistes sont précisément ceux qui ne seront jamais crédités comme compositeurs. Ici, Ringo Starr, là, Brian Jones. Un vrai don pour la musique, le blond Brian. Tout le monde le dit, tout petit déjà. Tout petit déjà, il touche à tous les instruments. Écoute les bluesmen américains et plus tard, je serai leader d'un groupe de rock, rêva-t-il. La vocation, comme on dit. Il n'a rien compris, Brian. Il croit qu'en rock, les choses fonctionnent comme en cette vieille tambouille bientôt caduque appelée art. Que l'intime conviction suffit, qu'une place revient de droit au génie. Or, si foule manque à sa place, rien ne se passe. De cela, Mick, lui, a l'intuition. Il sent. Il sait qu'un groupe, ça ne se décrète pas, que toutes les démarches du monde ne feront pas qu'une foule veuille de vous et vous façonne et qu'à votre tour, vous la poussiez hors d'elle-même. Mick reste tranquille, chantonne, peaufine ses ondulations, consolide son binôme avec Keith. Ça viendra quand ça voudra. Ça commence à vouloir. La décennie qui commence est toute attente, toute excitation. 61. 62. Quelque chose couve, se cherche un support, une matière qui l'incarne et la multiplie. Mick fait sur scène ses premiers pas de danse, s'éprouve à des déhanchements dans les tanières à jazz reconverti rock du jour au lendemain. Très vite, le désir se rive à Mick qui, par rebond, en fait davantage, accélère son jeu de jambes, écorche sa voix. Derrière lui, le casting s'est stabilisé. Keith, bien sûr, Brian qui toujours se vit leader, Charlie Watts venu dévergonder sa frappe jazz au rhythm and blues, et bientôt Bill Wyman mis à la basse à la place de Dick Taylor parce qu'il a le meilleur ampli du marché et que c'est toujours ça de prix. Des clubs, des premières parties, des reprises de Chuck Berry, de Little Richard, de Muddy Waters. Après les concerts, les cinq rentrent dans le deux pièces tôt dégueulasse qu'ils occupent au 102 Edith Grove, Chelsea. Vache maigre, pain noir. Ça ne durera pas. Ça ne peut pas durer. L'époque est demande. L'époque est impatience. Le manager le plus roué du monde pousse au cul. Son nom est Oldham. Andrew Oldham. Dans une époque de pure matière, seuls se fraient les empiriques. Oldham complote, intrigue, négocie une signature chez Decca, d'où résulte un premier disque, Come On, reprise polie de Chuck Berry. 50e dans les charts, presque un coup de maître pour un coup d'essai, mais pas encore ça. Un manager ni des artistes ne font à eux seuls un groupe de rock. Il y faut le peuple. Le peuple vibre. 23 septembre 63, première date de la première tournée avec Bo Diddley. Le peuple trépigne, s'agite, raccourcit ses jupes, allonge ses cheveux, s'érotise, veut des disques à son rythme. 21 février 64, Not Fade Away, classique de Buddy Holly, troisième dans les charts. Tension monte et grimpe les ventes. Sur scène, Mick trépigne, s'agite, raccourcit ses jupes, allonge ses cheveux, devient la bombe sexuelle transgenre que l'époque requiert. L'ayant vu faire, une journaliste dresse le bon diagnostic. Sur scène, on a l'impression que Jagger essaie de provoquer un petit peu plus qu'il ne l'a fait la fois précédente. Sur Mick, sa grippe fantasme de filles et de garçons. Les filles aiment ses fesses comme elles bougent, les garçons veulent les mêmes. Les garçons aiment ses fesses comme elles bougent, les filles veulent les mêmes. Ils ont, elles veulent du cul. Janvier 64, première tournée. Irruption de l'enfer, s'exclame complaisamment, apeuré, un quotidien. Pourtant, ils n'ont rien vu. Ce n'est qu'un début. 60-69. Mick fait au sens le plus strict corps avec la décennie. Proue d'une époque, emmenée par le navire qui l'emmène, tu es le vent, je suis la voile, et qui fait quoi, on ne sait. Sur la tête de ce type de 20 ans est tombé le ciel du rock. Sur lui, une foudre de gens s'est abattue. Pas préparé du tout. Venant de nulle part, né 3 ans avant dans une gare, aucun précédent, condamné à la jurisprudence, a tout de suite trouvé la répartie. Et qu'a répondu Mick aux sommations du monde ? Il a répondu « All right ». C'est-à-dire « Très bien ». C'est-à-dire « Tout droit ». Pas d'esquive, je ne contourne pas le problème, très bien, allez-y les gars, je suis tout à vous. Mick va tout étreindre, tout embrasser, sucer la moelle de l'époque et s'en faire une peau. Vampire vampirisé. Et inversement. Yeah, we need all something, and if you want it, well, you can need me. We all need someone we can cream, and if you want it, well, you can cream on me. Saigne sur moi, si tu en as besoin. Je prends tout sur moi. Tous les malheurs, toutes les grâces, ma peine et ma joie ont fusionné en une grimace équivoque. Sainteté ricanante, c'est ma touche. I was born when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Il y a deux races de chanteurs, les inspirés et les grimaçants. Vous préférez les inspirés, les recueillis, les forts intérieurs, les suppléments d'âme, les regards vers l'horizon? Pas moi. Pour le show télé d'Ed Sullivan, Mick accepte de chanter « Let's spend some time together » du temps ensemble, plutôt que « Let's spend the night together » la nuit ensemble, trop suggestif aux oreilles de l'Amérique de 66. Alright, je dirais ce que vous voulez. Je dirais « Let's spend some chocolate together » si vous voulez. Ou « Let's go to school together » cause we like it so much. Mick ne tient pas à ses virgules comme à la prunelle de ses yeux. Ne se vit pas écrivain, auteur, continent inabordable, psyché immaculé. Il est souillé de partout, n'est pas vierge. D'emblée embouti par un train, puis par la décennie qu'il incarne en dansant, dont il est la devanture, la vitrine, le petit diable qui vendrait son âme. Alors, all right. Ce soir-là, il ne trahit pas ses engagements. Dit bien « Let's spend some time together » en levant les yeux au ciel à chaque fois pour se désolidariser. Mais les yeux au ciel, c'est encore du show. Tout est du show, y compris ce qui l'entache. Mick dit « All right, darling » et se love dans les contraintes. Petite pute. Surtout, on ne trahit pas un contrat, ce n'est pas bien. Le commerce a ses règles qu'il faut respecter. Toujours se mettre bien avec tout le monde. Let Sullivan Show, c'est vendeur. Tu y joues ton single, tu es sûr que le lendemain, il est au sommet des charts. Vous avez chanté « I can't get no satisfaction » demande une journaliste. Qu'en est-il maintenant ? Mick sourit, réfléchit, cherche et trouve l'axe frontal. Sur le plan sexuel, plus satisfait qu'avant. Financier, pas satisfait. Philosophique, on essaie toujours. Mick est sans légende. Un peu de prison, beaucoup de soufre, 650 putes un peu louches, mais jamais cette pellicule d'absence, cet effluve de mystère, ces choses trappes de manoirs gothiques qui alimentent le culte. Mick est un mythe superficiel. Un mythe de pure matière, un mythe pas mythique du tout. Un homme désespérément de chair, concret comme une pierre, tangible comme le pelage d'un singe. Rien de ce vide où s'immisce l'ironie cruelle des dieux, rien de cet idéalisme terreau de l'aigreur, de cette haine de soi où germe la mauvaise conscience. Mick est le dernier rocker heureux. Parmi les popstars mondiales, Mick est le seul dont le sourire soit un signe distinctif. Voyez les autres, soit pas de sourire du tout, soit grimace maso quand il se brûle, soit rictus machiavello pervers genre Bowie. De sourire au premier degré, grand comme un pont et plein comme un œuf, jamais. Sauf Mick. Toujours joyeux d'être là, parmi les gens, parmi la vie. La joie est le contraire du bonheur. Interviewé entre deux tournées, Mick est intarissable sur son impatience de relancer la grande parade des concerts. Que du fun en perspective. Même pas un peu peur. Jamais vomi, ni besoin de s'isoler, aucun rituel superstitieux, pas d'exercice de respiration tantrique. J'ai connu le trac deux fois. Au début des Stones, depuis je n'ai plus jamais eu le trac. Même quand j'ai chanté pour la Reine de Grèce devant 40 000 personnes. Insolence de la santé. Que fait la tête de Mick sur scène? Que fait-elle en presque permanence? Elle fait des grimaces, on l'a dit. Elle sourit, on l'a dit aussi. Elle regarde dans les yeux la foule et dit « Prenez-moi, je suis à vous », on l'a dit. Elle demande que les spots se retournent sur la masse et dit « Vous êtes encore plus beau que moi !» Démagogie ou agoraphilie, on l'a dit. On l'a dit tout ça. Si, on l'a dit. Vous n'avez pas suivi, c'est tout. Vous n'êtes pas attentif. Mais surtout, la tête de Mick, elle fait oui. C'est une poupée qui fait oui, tout le temps, tout le temps. Petit hochement rapide, micro-saccade du menton un peu relevé et le reste suit la tête faite rythme. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Pendant 10 ans, Mick dit oui à tout, doué pour la vie comme le singe pour la liane. C'est au nom d'elle que Mick n'est pas totalement moral, car la vie, pour une part, excède la morale. Au nom d'elle, Mick n'est pas totalement dans la musique, car la vie, pour une part, excède la musique. Au nom d'elle, Mick n'a qu'un pied dans l'art, car la vie, pour une part, excède l'art. Au nom d'elle, Mick n'a jamais foncé dans la défonce, car arrive un temps où, ayant ouvert des portes, la drogue commence à enfermer, où de pourvoyeuse de vie, elle devient colporteuse de mort. Toujours un pied sur la terre ferme, Mick, et quelques neurones autonomes le rivent 24 fois par seconde à la beauté ordinaire du monde. Et alors, plutôt renoncer au vertige intérieur qu'à la vie objective si prodigue. Même au plus fort de la débauche, Mick ne sombrera pas comme Keith, ne cédera pas de terrain, tiendra la ligne, n'entachera pas 10 ans de noces avec le vivant, jusqu'au divorce en 69. 69 comprises ou non comprises ? Comprises dans les noces ou dans le divorce ? Both. La grandeur de 69 vient de ce qu'elle couronne et en même temps destitue. Moment d'éclat et ipso facto autocombustion. Chaque année de la décennie a une couleur. 69, c'est le rouge, c'est l'incandescence finale, l'ultime sursaut de la flamme au bout de l'allumette. Mort, c'est-à-dire... Comment ça, mort ? Mort, pourquoi ? Parce que les tensions commencent à miner le plus grand groupe du monde ? Parce que Brian plombé dans sa piscine ? Fausse piste, tout ça. L'assassin est ailleurs. Quand vous avez l'époque sur les épaules et quand elle-même vous porte sur les siennes, ce n'est pas un enfant mort qui vous achève. Quand votre poumon est l'époque, c'est de son éloignement que vous mourrez. Elle vous porte, vous la portez, on vous sépare, vous êtes mort. M-O-R-T. Gimme Shelter, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai encore. Toute ma vie jusqu'au seuil de ma mort, Gimme Shelter, premier morceau de Let It Bleed, sorti après le concert d'Altamont, mais écrite avant. C'est important de le préciser. C'est important car c'est stupéfiant. Mick a eu la prescience de sa fin. Mick, sans le savoir et en le sachant, a donné avant coup la clé de l'énigme, le chiffre du drame. Gimme Shelter, c'est ce qu'en substance il dira ou pensera sur scène lorsque les faits tourneront fous. Donnez-moi un abri. Oh, un orage menace ma pauvre vie aujourd'hui. Si je ne trouve pas un abri, je serai anéanti. Mick a pressenti que bientôt il ne supporterait plus de s'exposer, que bientôt il aurait peur. À Altamont, Mick, pour la première fois, va avoir peur, et il en mourra. Il n'y a pas la peur, puis la mort. La peur elle-même est la mort. La peur, c'est rompre le contrat de confiance qui vous lie à la vie et la vie elle-même. Il est temps de dire comment, de dire pourquoi. En octobre 69, les Stones se lancent dans le chaos d'une tournée américaine. 3 ans qu'ils n'y sont pas allés. Survolant l'océan, leur cœur est en fête. Et de fête, ce sera un sommet. Ceux qui y étaient disent qu'ils n'avaient jamais été aussi puissants. J'y étais, je dis pareil. For the first time in 3 years, the greatest rock and roll band in the world, the Rolling Stones. The Rolling Stones. Dans l'euphorie de ce tour glorieux, quelques journalistes fans suggèrent à Mick d'organiser un concert gratuit. Ce serait bien, les places sont trop chères, pour une fois, on n'aurait pas à se restreindre. Mick ne dit pas oui tout de suite, ne veut pas s'avancer, va étudier le problème, l'étudie, et un peu plus tard, annonce que oui. Ok. Ils vont le faire, ce concert gratuit. Ils vont le faire en bout de tournée, le 6 décembre, sorte de fête de fin de colonie de vacances. Vous qui n'y étiez pas, vous qui ne vous trouvez jamais où il faut, vous pouvez aller vérifier. Tout cela est consultable à l'infini dans Gimme Shelter, plus grand documentaire du monde. Vous y verrez que l'harmonie ne dure pas et que les grandes décennies meurent aussi. L'embrouille couve. Un aigle de mauvais augure tourne au-dessus de ce désert envahi. La foule donne des signes d'insoumission. Une mauvaise électricité la parcourt, comme une envie d'en découdre. Et pourquoi donc ? Devenue trop grosse, dépassée par sa propre puissance, produite en flux tendu par la décennie. D'où cet oxymore ? Mauvaise énergie. Une mauvaise énergie parcourt l'échine de la foule. Frisson de mort. Le crime est dans l'air de la voiture en accélération constante. Entre 60 et 69, Mick et son band et l'Europe tout entier sont une voiture en accélération constante. Et ce soir, tout ce monde beau va au crash. Au moment où les Stones entrent sur la scène surexposée, au fond de la cuvette de Jean posée à fleur de colline, il y a déjà eu du grabuge. On a vu fendre la foule une file de Harley, celle des Hells Angels chargée du service d'ordre et payée en bière. Et certes, ce n'est pas l'ordre qu'ils semblaient servir. On les a vus déchirer la foule, rompre l'unité, jauger de leurs moustaches les jeunes gens qui n'en revenaient pas de tant de grotesques. Et dès lors, les deux camps antagoniques n'ont plus cessé de se défier. La foule est-elle devenue fureuse du fait des Hells ou les Hells n'ont-ils qu'attisé un incendie allumé avant eux ? Tout ce qu'on sait et qu'on voit et que vous pourriez vous-même voir si vous étiez curieux, c'est qu'au moment où Mick prend le micro, le meurtre rôde déjà. Mick ne voit rien. Il n'a pas Dieu pour ça. On lui a dit « C'est chaud ce soir ». Il a dit « Tant mieux ». On lui a dit « C'est chaud, tendance danger ». Il a dit « Je tendrai dans l'autre sens le bâton de cette soirée. Je le tendrai dans le sens de la vie, car en moi brûle un feu de joie. » Mick, encore à ce moment-là, est convaincu que la foule en tant que foule est foncièrement bonne. Pas celle-là. Un morceau, une interruption, un morceau, une interruption. Mick vient crier dans les oreilles de Keith pour qu'il coupe sa guitare. Sans arrêt, des turbulences inquiétantes secouent l'onde du public comme autant de départs de feu. Une fois à droite, l'autre fois à gauche, personne ne comprend rien. Sur Sympathy for the Devil, une détonation sourde, comme la répétition à voix basse du coup de feu qui peu de temps après va déchirer le ciel des années 60. Attention quand même. Attention à ne pas trop la jouer, prémonition, signe avant-coureur, mare de café, tout. Attention à la foire aux symboles. Hells Angels, rien que sur ce nom, c'est tentant d'en faire des tonnes. Nous autres, on a été formés à ça, on est rompus à la littérature. Depuis tout petit, on a baigné dans ce marécage. Destin, machin, doigt de Dieu, châtiment, tralala. Or, il y a juste que la grâce est courte, qu'à un moment, elle suspend son vol, et c'est à Altamont, Californie, que ça se passe. Pas de quoi tant pleurer, parce que toujours, elle jaillit à nouveau. A-t-elle rejailli depuis, la grâce ? Je vous le demande. Baston, baston et rebaston. Keith pète un début de plomb, s'approche du bord de scène et désigne du doigt un possible causeur de trouble, comme si le trouble était le fait d'un seul. Mick le calme, tarde à admettre qu'une foule puisse être méchante et se soustraire à son charisme. Bientôt il ne comprend plus. Lui, le fief et pyromane, en appelle au calme. Lui, la machine à danser et à faire danser, demande maintenant qu'on s'assoie. Hey, people. Nomme brothers et sisters, ceux que d'ordinaire il exhorte plus ou moins ludiquement à tuer père et mère. N'a à la bouche que le mot peace, lui qui, dans Sympathy, claironnait avoir fomenté toutes les guerres. Méconnaissable. De moteur, Mick est devenu frein. Il ne peut plus rien. Il essaye bien de relancer la machine, claquant dans ses doigts, faisant la poule avec ses bras, comme lui seul sait, donnant des coups de menton sur chaque beat, ne demandant qu'à faire oui, oui, oui, oui, oui. Mais, cette fois, le corps n'y est plus. Le ressort de toute une vie, l'adhésion dynamique de la foule est cassée. All right, rien du tout. Tout n'est plus bien, tout n'est plus droit, le moral est cassé, le jouet est cassé, Mick n'arrive plus à jouer. Il s'est cassé quelque chose. Pendant Under My Thumb, il s'est passé quelque chose et ce n'est qu'a posteriori que les cinq musiciens s'en rendent compte. Depuis la scène, on n'a rien vu. Une bagarre sans doute, mais qui se bat contre qui et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe et qui fait quoi? Nul ne sait. Apprenant après coup qu'à ce moment précis, un homme était en train de mourir, Mick dira. Cela m'a beaucoup appris. Il ne faut rien faire sans tout contrôler soi-même. Je ne ferai plus confiance à personne. Nous devons faire attention aux moindres détails avant d'entreprendre quelque chose. Je ne ferai plus confiance à personne. Un soir à Altamont, après 9 ans de vitesse folle, de confiance aveugle, et il n'est de confiance qu'aveugle, Mick s'est réveillé et s'est dit « Je suis au milieu d'une pétaudière, je suis complètement dingue de m'exposer comme ça, le monde est fou, et si je m'accointe avec lui, je vais le devenir à mon tour, il faut que je trouve un abri, sinon je serai bientôt anéanti. » C'est cette précaution qui l'anéantira, ce remède qui le tuera. Le concert d'Altamont est passé. La tornade. On est quelques jours après. Quelques mois peut-être. On est après la tournée en tout cas. Après le bruit. Confiné dans un studio de montage. Les auteurs du documentaire montrent aux Stones les rushs de leur tournée américaine. Mick est assis devant l'écran et n'en détache pas les yeux. Pas un sourire pendant toutes ces minutes. Méconnaissable. Il se regarde. « Je n'ai jamais vu les Stones sur scène », riait-il encore il y a peu de temps, dans une interview donnée de son vivant. Cette fois, il les voit, bien en face. Et les voir le tue une deuxième fois. Pendant 8 ans et quelques, on s'est couru après, maintenant on se ressaisit, on se carre dans un plan, on se vérifie dans le moniteur, on se surveille, on s'identifie, on était une image soi-même, et maintenant on se dédouble, on se juge, on se fait peur, ou bien on s'admire, mais dans les deux cas, on se reconnaît. On sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on est. On est mort. Non content de l'avoir identifié, d'avoir imprimé son nom à jamais sur la pellicule, les auteurs imposent à Mick un arrêt sur image. Mort au carré. Et que montre ce photogramme de la foule d'Altamont immortalisée quelques mois avant? Comme dans Blow Up, 1966, il permet de distinguer le chrome d'un revolver invisible à vitesse normale. C'était fatal. L'image arrêtée est mortelle pour le rock qui est mouvement, son nom l'indique. En rock, tout arrêt est de mort. Il faut ajouter que sur l'image de mort, tenant le revolver, se dresse un homme. Un homme qu'à la faveur de l'arrêt, on peut détailler. Il en costume sombre, chemise et chapeau noir. Et que voulait-il, cet homme détaché de la masse, compact et soudain s'excitant? Qu'escomptait-il s'avançant ainsi, revolver brandi vers la scène? Tu es Mick, sans doute, mais pourquoi? On ne saura pas. À peine s'est-il détaché de la foule qu'une marée de Hells Angels bourrés de bière se jette sur l'homme armé. Il meurt quelques minutes après. De quoi exactement? Un premier coup de couteau, semble-t-il, puis il s'est arraché aux griffes de ses bourreaux, mais rattrapé, une seconde lame le transperce. Cette fois, il est à terre, piétiné, frappé de coups de botte, gueule défoncée par une poubelle métallique. « Je n'allais pas vous descendre. » Sont-ce vraiment ces derniers mots, rapportés par des témoins impuissants ? On ne saura pas. On sait quand même trois choses. La première, cet homme s'appelle Meredith Hunter. Peu importe, et paix à son âme. Les deux autres, il a 18 ans et il est noir. Forcément, il ne pouvait pas en être autrement. Meredith Hunter, assassin assassiné de Mick Jagger à Altamont dans la nuit du 6 au 7 décembre 69, ne pouvait être que jeune et noir. Il fallait que l'assassin de la décennie la plus juvénile du monde soit jeune lui-même. Il fallait qu'il ait à peu près l'âge auquel Mick était né en gare de Dartford, de l'attouchement d'un train et d'une foule. Il fallait surtout qu'il soit bronzé comme Chuck Berry, Muddy Waters et Little Richard. Ce soir-là, c'est la part noire de Mick qui est étouffée. C'est-à-dire la non-coïncidence à soi du petit blanc qu'il fut, écart qui le fit courir et danser, quand désormais il s'agirait de se reconstituer, de se ressaisir, de se recomposer une identité pleine et non mélangée. À Altamont, ces hyper blancs de Hells Angels sauvent Mick des balles du jeune nègre Meredith. Ainsi peut se résumer le désastre. En arrivant, Mick avait dit « À la fin du concert, je ne rejoindrai pas l'hélico accompagné par les flics. » À la fin du concert, il a rejoint l'hélico, accompagné par les flics. Arrive un moment, vous passez du côté de l'ordre. Fin de Gimme Shelter, plus grand film du monde. Ayant bu les roches jusqu'à la lie, Mick se lève et que dit-il ? All right, comme toujours. Donc tout est comme avant ? Non, non, non, non, non, non, non. Non. Cet all right là ne sonne pas comme les milliers d'autres. Il dit d'accord, mais ce n'est pas allégeance démocratique à ce qui vient au devant de lui. C'est résignation. D'accord. Je consens. J'accepte le verdict. Je reconnais. J'ai bien compris. J'ai bien vu. Je vois bien. Je vois bien ce qu'il me reste à faire. Je vois bien qu'il faut arrêter, rentrer à la maison, trouver un abri. On est bon cette fois. On y va tout droit. Ok, on va faire ça. Tout est bien. Tout est consommé. C'est fini. Un démocrate, Mick Jagger, 1960-1969, de François Bégodeau. Avec Gérard Watkins, Marie Payen, Claudia Tagbo. Design sonore, Yves Dormois, Albert Echery. Équipe de réalisation, Jean-François Néolier, Sébastien Labarre, Delphine Lemaire, Jacques Taroni et Cécile Baquès. Un démocrate, Mick Jagger, de François Bégodeau, est publié aux éditions Naïve. Thank you.